Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Non Essentiel, votre émission culturelle chaque semaine sur Radio No Culture. Cette semaine, encore une fois, je vais tout seul vous présenter quelques chansons de mon cru, confinement oblige, mais vous inquiétez pas, pour les semaines qui arrivent, on est en train de préparer quelques petites choses assez sympathiques. Aujourd'hui, on va y aborder un thème assez spécial, puisque bon, quitte à être enfermé, autant rigoler un peu et s'évader un peu. Alors cette semaine, on va parler d'extraterrestres. Donc voilà, le ton est donné avec cette intro de la série X-Files que vous avez certainement tous et toutes reconnus. Aujourd'hui, on parle donc d'extraterrestres. Alors c'est parti dans Non Essentiel. Non Essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Et pour commencer, on va remonter à 1972 avec certainement un des premiers qui parle de ce sujet-là, en tout cas dans la pop culture. C'est bien évidemment David Bowie. On va écouter la chanson Starman qui est sortie donc en 72 et cette fois-ci dans une version live et on en parle après. Time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. Someone so picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out, so you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. It's only let the children use it, let the children use it, let all the children boogie. David Bowie avec Starman, sorti en 72 pour l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, rien que ça, dans lequel donc il interprète lui, Ziggy Stardust, et ses musiciens sont les Spiders from Mars, en 72 donc sur cet album là. Alors ce qu'il faut savoir sur cette chanson, c'est que c'est la chanson, on va dire, qui lui a permis de renouer avec le succès après Space Oddity, et donc de ne pas être un de ces malheureux chanteurs qui n'ont fait qu'un seul succès dans leur vie. Et puis on connaît ensuite toute la carrière de David Bowie. Côté inspiration, on peut reconnaître sur le refrain la chanson Somewhere Over the Rainbow, en tout cas la mélodie utilisée dans Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland. Et voilà, je pense qu'on va très vite passer à la suite. Non essentiel. La suite donc, qui est une chanson en basque de Shoutagar, qui est un peu, comment dire, un groupe culte évidemment Pays Basque, je dirais l'équivalent de Metallica basque, avec une chanson sortie en 2006 sur Reinko Ilen Uartean et qui s'appelle Estralurtara, donc l'extraterrestre, on écoute ça. Attention quand même, c'est là on passe du côté, disons, métal de la force. Ah! Urtagar avec Estra Lurtara, sorti donc en 2006 sur l'album Renko Ilen Uartean, qui veut littéralement dire sur l'île des dieux morts. Et, album qui, il me semble, n'avait pas fait énormément de bruit à l'époque, en 2006. Il faut dire qu'en 2006, ils ont déjà 15 ans, ça a plus de 15 ans de carrière derrière eux, et un style qui évolue assez peu. Donc peut-être que une fois leur grand tube passé, les gens sont moins intéressés à ça. Fait assez rare aussi, c'est qu'il n'y a pas à la fin de cette chanson un énorme solo gigantesque d'une minute trente comme il y a d'habitude. Voilà, ça c'était donc pour Shutagar avec Estra Lurtara, et la suite tout de suite. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. La suite donc qui est quand même radicalement différente, puisqu'on va aller en Angleterre cette fois-ci. On va écouter de la musique électronique, de la house, je dirais, house dance électro, avec Soul Central, donc groupe assez phare, hein, des années 2010, début des années 2010 on va dire, dans ces groupes-là qui étaient créés aussi... disons la suite de Prodigy avec les Bloody Beetroots, etc. Comme d'habitude, on va écouter ça, et puis un petit mot juste après, Soul Central avec Invasion. Try and fight us, but we are too strong. You just have to surrender. Under our rule is where you belong. We'll be right back. Donc South Central avec Invasion, sorti en 2013, fin 2013, sur leur EP Run, Hide, Survive. Vous voyez, bon là, de l'électro très 2010, avec des énormes basses qui viennent nous faire danser. C'est une chanson qu'ils ont jouée pour la première fois en live à Donostia en 2013, au Pays Basque. Donc moi, j'avais la chance d'y être d'ailleurs. Et voilà, donc là, je pense que la thématique est assez évidente. Une invasion, disons que c'est un peu une bande-son d'une invasion extraterrestre assez violente, des lasers, tout ça. Voilà, si vous aimez ce genre de son, surtout n'hésitez pas à l'écouter. South Central, un groupe de DJ anglais, ils sont deux, qui ont commencé comme un groupe d'ailleurs, un groupe électro, ils étaient cinq, batterie, guitare, etc. Et qui se sont très vite retrouvés à deux. Et voilà, on va continuer nous. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Pour la suite, on va parler d'un groupe, toujours d'actualité, hein, un groupe superstar pour certains, qui personnellement que je suis depuis tout petit personnellement. Un groupe qui s'appelle donc Muse, qui a énormément de thématiques liées à l'espace depuis leur tout début. Cette fois-ci, on va écouter Exopolitics, et puis comme d'habitude, on en parle après. Oh, Exopolitics de Muse, sorti en 2006 sur l'album Black Holes and Revelation, le quatrième album du groupe. Le début de la fin, diront certains. Moi, je dirais que c'est le début du changement de Muse qui prend des accents un peu plus électro, un peu plus calme aussi, je trouve, surtout suite à Absolution, qui était vraiment grandiose et très, très guitare électrique, je dirais. Donc voilà, cette chanson qui parle d'une invasion extraterrestre cachée par les dirigeants, donc qui renvoie aussi à beaucoup de thématiques de l'album, qui parle beaucoup toujours d'espace, de corruption, de conspiration, etc. De grands thèmes sont qui reviendront souvent dans la musique de Muse. Donc voilà, chanson de 2006 sur cet album là, et on continue tout de suite avec la suivante. Non essentiel. Pour la prochaine chanson, on va aller au Mexique avec Marciano du groupe Molotov, et comme d'habitude, on écoute ça après parce que je pense qu'il y a quelque chose à dire quand même. Es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Calles de noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente, porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Me fui a convertir. Me convierto en marciano. Me convierto en marciano du groupe Molotov, dans une version salsa de toute beauté, comme vous avez entendu, parce que c'est une reprise, oui. C'est une reprise des Misfits, I Turned Into a Martian, originalement, et donc sortie en 2004 sur l'album Conto de Respeto de Molotov, qui est un album de reprise dans différents styles. Donc là, dans ce cas-là, salsa, j'irais salsa, bossa nova peut-être, je ne sais pas trop. Quelque chose assez calme par rapport à l'original, qui évidemment est une bonne grosse chanson punk, version originale d'ailleurs qu'ils refont en live en espagnol toujours, mais en version punk. Donc si vous aimez plutôt le punk, vous tapez sur YouTube Molotov Me Convierto en Marciano et vous allez écouter ça. C'est assez survitaminé, c'est assez cool à écouter. Donc voilà, Molotov, quand même un groupe mexicain, a quand même pas mal de choses à dire, puisque là vous avez écouté une chanson du genre bossa nova, salsa, mais qui fait énormément de choses différentes. Vous avez peut-être connu la chanson Apocalypse Shit, qui apparaît dans la série Breaking Bad, qui est une espèce de rap metal survolté. Et voilà, ils font énormément de choses différentes. C'est vraiment un groupe assez incroyable qui maîtrise très très bien ce qu'ils font. Et voilà, je vous invite vraiment à aller écouter ce groupe mexicain, et nous on va continuer. Non essentiel. On va continuer avec déjà une des dernières chansons qu'on va écouter, l'avant-dernière plus précisément, et on va se tourner vers Devin Townsend, qui est un compositeur canadien, et l'album Ziltoid The Omniscient, pour écouter cette fois March of the Pusers. Oh, March of the Poosers de Devin Townsend. Alors, c'est un peu compliqué, je me suis un peu trompé. Cette chanson-là n'est pas sortie sur Ziltoid the Omniscient, mais sur sa suite. Mais on va revenir d'abord à Ziltoid the Omniscient, qui est sorti en 2007, qui est un album, concept album même, de Devin Townsend, dans lequel il a absolument tout fait, tout écrit, joué, enregistré tout seul, à part la batterie, qui est une batterie électronique enregistrée grâce à Easy Drummer. Voilà, ceux qui connaissent comprendront. Donc sorti en 2007 et qui raconte l'histoire de Ziltoid, un extraterrestre qui vient sur Terre pour chercher la meilleure tasse à café possible pour pouvoir voyager dans le temps. Donc voilà, on retrouve évidemment toutes les thématiques extraterrestres qu'on cherche dans cette émission, et ça va très très loin comme vous avez pu le constater. Donc cet album là est sorti en 2007 et il a sorti ensuite Z2 pour Ziltoid 2, qui est cette fois un double album, qui est sorti en 2014, donc 7 ans après, qui est la suite directe de Ziltoid the Omniscient. Et donc là, on écoutait March of the Poosers, Poosers étant l'espèce de soldats de Ziltoid venus là pour envahir la planète Terre. Album qui cette fois n'a pas été fait seul, puisqu'il est avec le Devin Townsend Project, donc des musiciens qui sont là avec lui pour composer, surtout pour jouer tout ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur Devin Townsend. Il a peut-être une vingtaine, peut-être plus d'albums à son actif, avec dans des styles toujours métal, hein, mais toujours mais quand même très différents. Là, c'est quand même cet aspect sur cette chanson là un peu grotesque, années 50-60, avec qui fait penser beaucoup à des films de série B, voire de série Z, qui parlent d'extraterrestres. Mais ça peut aller très loin avec son album suivant, Transcendance, qui va dans l'espace et au-delà, avec des choses très très grandioses, très très épiques, et des choses plus punk, comme sur Vampira par exemple, qui se prend beaucoup moins au sérieux. Bon, là il se prend pas beaucoup au sérieux avec Ziltoid, hein, mais sur les autres un peu plus quand même. C'est un peu plus recherché, un peu plus travaillé, même si je pense que ces mots-là peuvent aussi servir à qualifier la chanson qu'on vient d'écouter. Enfin voilà, Devin Townsend, qui est donc un artiste à suivre, qui est devenu en quelques années un très gros morceau dans le monde de la musique métal en tout cas. Et je vous conseille d'aller voir, si vous ne connaissez pas trop ou si vous voulez plus connaître, son concert au Royal Albert Hall, qui est disponible gratuitement et entièrement sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises, et qui vous donnera un peu une idée du genre de Devin Townsend et de sa manière grandiose de faire les choses. Et voilà, on va en finir là en tout cas pour cette émission. On va terminer avec une dernière petite chanson instrumentale qui s'appelle Besteen Zeru Tangira, en basque, qui veut dire littéralement nous sommes dans le ciel des autres, et donc comme eux sont dans notre ciel aussi, on écoute ça et puis on va finir avec ça. We'll be right back. Besten salutant Guida, on finit avec cette chanson pour cette semaine. En tout cas, n'oubliez pas que si vous avez envie d'écouter cette émission, elle est accessible, cette émission et toutes les autres évidemment, elles sont toutes accessibles sur le site Archive. Vous n'aurez qu'à taper non essentiel dans la barre de recherche et je pense que vous le retrouverez facilement. Et si vous avez une question, si vous avez des propositions, une chronique envoyée, je ne sais pas, n'hésitez pas à nous écrire à Radio Nos Cultures, Nos Cultures en français et au pluriel, et le tout attaché radionoculture@gmail.com. Et voilà, on va se quitter sur ça et je vous souhaite un beau week-end à tous et à la semaine prochaine.